J'en ai fait des trucs louches, des panettes, des tordus. Et quand y'en avait plus, j'en remettais une couche. Il m'en aura fallu des douches froides, des camels enfumées, des camels pour qu'enfin j'accouche. Plus jamais. Un stop, plus d'un tour dans mon sac à pieds joints dans les flaques au milieu du paddock. Chaque fois que je débloque, je fais mon comeback. Laissez, c'est moi qui rack ce soir. J'en fais la coque. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Éclater la pastèque à coups de whisky sec. J'étais complètement black, moi de white, le blanc bec. Et j'ai traîné ma tronche de cake toute la nuit de troc en troc. C'est le flic de service à l'époque qui m'a fait mettre au sec. Qui m'a fait mettre au sec. Et j'ai fini parmi les putes, les macs et les dealers de coke. Et le capitaine Haddock qui voulait.